Bonjour Blockbuster, et ben merci pour cette belle émission sur Dracula de ce matin. Ben, ça m'a donné envie de revoir le film de Coppola, qui est selon moi le meilleur, et surtout de relire l'œuvre de Stoker. Et ben bonne émission et à bientôt. Salut Frédéric et salut à toute l'équipe de Blockbuster. Alors moi, si je devais donner un peu des références en matière de vampires, je dirais quand même faut lire de la BD. Voilà, Le Chant des Striges, Rapace, Le Prince de la Nuit, Les Voyages de Tacuan, autant d'histoires, de manières de voir le vampire qui sont absolument magnifiques. Merci à vous, continuez comme ça, salut. Moi, je conseillerais le livre de Bouvier et le Trat sur Nosferatu. Et alors, évidemment, le film qui va avec, c'est Nosferatu, le vampire de Murnau. Voilà, merci. Faites-moi peur. Ciao. Juste un petit regret, c'est que le film Daybreakers n'ait pas été évoqué. C'est le seul film où on imagine une vie après l'invasion des vampires. Voilà, ben, je vous souhaite plein de bonnes émissions et un bel été. À bientôt. Bonjour, je suis maître de conférence en littérature britannique à l'Université de la Sorbonne. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre émission sur Bram Stoker. Je vous laisse ce message en fait pour savoir s'il serait possible de la refaire entièrement en anglais pour que je la passe à mes étudiants en cours. Tout simplement parce que ça me fait 1 heure de cours en moins à préparer et que bon, c'est l'été donc j'ai mieux à faire clairement. Je voulais vraiment vous dire, ne vous inquiétez pas si votre anglais n'est pas irréprochable puisqu'en fait mon cours est le vendredi matin et comme mes étudiants se déchirent dans les bars le jeudi soir, bah ils feront pas attention grâce à la magie de la gueule de bois. Eh bien, je vous dis à bientôt dans l'amphi, j'espère. To be or not to be, not to be. Il va y avoir débat. C'est sûr, il va y avoir débat. Hier, dès l'instant où j'ai annoncé le sujet du jour, en l'occurrence The Wire, la meilleure série du monde, je savais que je tendais un piège à tous les fans des Sopranos, de Breaking Bad ou The Shield qui écoutent Blockbuster. Et ça n'a pas raté. Hier soir sur mon téléphone, j'avais un message de mon pote Julien. Non mais t'es pas bien! La meilleure série au monde, c'est les Sopranos, y a même pas débat! Comment tu peux dire ça sur une radio publique en plus? C'est le manque de sommeil, la cantine de Radio France, mais qu'est-ce qui va pas, Frédéric? Et pourtant, je persiste à le dire, The Wire est la meilleure série qu'il m'ait été donné de voir. The Wire, c'est une série sur des territoires abandonnés. Abandonnés économiquement, médiatiquement, politiquement. Et des territoires abandonnés, il y en a partout. Et pas qu'aux États-Unis. Par exemple, en ce moment, en Guadeloupe, le personnel de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, le seul hôpital de l'île, fait grève parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assurer l'accueil des malades suite à un incendie survenu il y a 2 ans. Les infirmières n'ont même plus de rouleau papier pour se laver les mains et doivent s'essuyer dans des compresses. Les malades attendent des jours aux urgences allongés sur des brancards. Lorsqu'il pleut, l'eau s'introduit dans l'hôpital et inonde les couloirs. Et la métropole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne réagit pas. Sous prétexte qu'en 2020, un nouvel hôpital doit être construit. En attendant, regardons ailleurs. Eh bien vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais si, The Wire c'est une série sur ça. Sur ce qu'il se passe quand des institutions, des hommes et des femmes de pouvoir cherchent à regarder ailleurs. The Wire ne doit pas être regardé comme une série, mais comme un avertissement. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Indiquez votre nom pour le procès-verbal. Omar Devon Little. Monsieur Little, quel âge avez-vous? 29 ans, à peu près. Et quelle est donc votre profession? Ma profession? De quelle façon gagnez-vous votre vie, monsieur Little? Je dépouille les dealers de drogue. Et dites-nous, depuis quand exactement vous exercez cette profession, monsieur Little? Exactement, j'en sais rien. Mais je pense que ça va faire à peu près 8 ou 9 ans. Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler? On vit un jour après l'autre, j'imagine. The Wire, sur écoute en français, est une série télévisée américaine créée par le journaliste David Simon et coécrite avec Ed Burns, un ancien officier de police de Baltimore. Elle donne une représentation de la criminalité dans la ville de Baltimore à travers la vision de ceux qui la vivent au quotidien. Policiers, trafiquants en tout genre, politiciens, enseignants, journalistes, résidents de Baltimore, etc. À la manière des poupées russes, chacune des 5 saisons permet d'aller un peu plus loin dans l'étude des causes et des conséquences liées à la criminalité. Des rues des quartiers pauvres de Baltimore, aux couloirs en marbre de la mairie, en passant par les docks ou l'école, rien n'est laissé au hasard. Le tout porté par une réalisation proche du documentaire et un casting de qualité. Pour revenir sur cette série culte, j'ai avec moi Ariane Udelay, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en études anglophones et auteur du livre The Wire, Les règles du jeu paru aux éditions PUF. C'est ça ? En effet. Avec nous également Emmanuel Madeline, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de distribution de films et fan de la série The Wire. Oui, j'ai distribué les films de Frederick Wiseman. Et Frederick Wiseman, on sent que David Simon aime beaucoup le cinéma de Frederick Wiseman et on sent cela dans la série. Et enfin avec nous, Léonard Desbrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Combini, Technicart, Lire et membre de la chaîne YouTube Les Fanatiques. C'est ça. Ensemble, on va tenter d'expliquer pourquoi The Wire revient si souvent quand on demande aux critiques quelle est leur série préférée. On reviendra sur les créateurs de la série, son casting incroyable, ses partis pris. Et on se demandera si The Wire est une série élitiste, comme le disent certains, ou une vraie proposition artistique singulière qu'il faut avoir vue. Allez, on embarque pour le dernier blockbuster de la semaine avec The Wire. C'est fini, on se bat plus pour un territoire, les mecs. Quel coin de rue, quel immeuble est à nous ou pas à nous. C'est plus le territoire qui compte, c'est une question de produit. Et comme on a le meilleur produit, on le vendra, peu importe où on est, vous comprenez? Le produit, bande de rigolos. Le président donne la parole à Slim Charles. Président, avoir tout le produit qu'on veut, ça changera pas grand-chose si on se fait sans arrêt mettre minable parce qu'on est sur le coin de rue d'un autre. D'accord. On avait 6 tours à Franklin Terrace, mais on a dû refiler 3 tours à Proposition Joe pour améliorer la marchandise qu'on proposait. Vous me suivez? Combien vous pensez qu'on a perdu avec cet accord? La réponse est, on a gagné encore plus. Et nos profits ont grimpé de 8 ou 9%. Alors dites-vous ça, votre territoire vaudra que dalle si votre marchandise est nulle. Allez parler de ça aux connards qui essaient de vendre des caisses américaines, mais pourries. Partout dans le pays, les mecs préfèrent rouler toute la journée en japonaise ou en allemande. Un territoire, c'est que dalle. Et puis il faut aussi se dire que si on se met à lutter pour un territoire, on est obligé de faire des morts. Et les morts, ils amènent les flics. Ouais, mais comment on va faire pour... Oh, qui t'a autorisé à ouvrir ta gueule, petit con? Ariane Udelay, The Wire, c'est une série qu'on entend, qui est citée assez souvent par les critiques, mais le grand public l'a pas forcément vu. Donc ça raconte quoi, s'il vous plaît? Alors, The Wire, ça commence comme une intrigue policière, peut-être assez classique, c'est-à-dire c'est une unité spéciale de la police de Baltimore, Baltimore étant une des villes les plus criminogènes et les plus pauvres et ségrégées des États-Unis. Donc cette unité spéciale est mise en œuvre pour démanteler un trafic de drogue dans le quartier ouest de Baltimore, qui est un ghetto très violent. Et puis, petit à petit, on part de cette intrigue policière pour comprendre qu'on va avoir quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire, on va explorer ce qu'est la ville américaine aujourd'hui, qui est un tableau pas très gai. Et à chaque saison, va se rajouter un pan de la ville qui va se coordonner à toutes les questions qui ont été soulevées dans la première saison. On garde les personnages et les intrigues de la première saison, mais tout à coup, on a cette ville qui se met à prendre forme sous nos yeux avec les docks, par exemple, dans la saison 2, les élections municipale dans la saison 3 et comment l'argent de la drogue irrigue aussi le domaine politique. Dans la saison 4, on a les écoles avec la manière dont les écoles reproduisent les inégalités et les violences. Et dans la saison 5, on a la presse. Et petit à petit, on a l'impression de comprendre d'une part la ville américaine qui est Baltimore, mais qui représente aussi des villes qui ont été abandonnées un peu par les pouvoirs publics, et de comprendre les effets néfastes du capitalisme ultralibéral. Emmanuel Madeline, David Simon disait justement en écrivant The Wire qu'il avait l'ambition d'écrire une tragédie, l'équivalent d'une tragédie grecque dans laquelle les dieux seraient le capitalisme cette fois-ci. Ah ben c'est tout à fait ça, et d'ailleurs dans la série à plusieurs reprises il est fait référence aux dieux grecs, je pense notamment au sénateur qui se présente, qui est incapable de prononcer le nom d'Eschyle. Et je pense aussi à cet autre moment où l'un des dealers est obligé d'expliquer que le dieu, alors que le policier fait des mots croisés, que le dieu de la guerre n'est pas Mars. Oui. Et alors, Léonard Desbrières, vous, d'où vient cette passion pour The Wire? À quel moment vous vous êtes dit, je suis en train de regarder une série qui ne ressemble à rien d'autre? C'est marrant parce que c'est, enfin, souvent le premier visionnage, ça peut être un peu contrarié parce qu'on se trouve face à un objet qui est quand même assez étonnant et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais jeune, trop jeune, je pense. Et je me suis retrouvé confronté à quelque chose qui me paraissait un peu inaccessible, un peu complexe, un peu lent. puisque la série The Wire, une de ses qualités premières, c'est quand même de prendre le temps d'installer, d'expliquer des choses. Et au fur et à mesure, on y revient, on gratte, et au final, on se retrouve téléporté dans cet univers complètement fou, labyrinthique, mais en même temps, tellement de niveaux de lecture qu'on peut voir cette série des dizaines de fois en y trouvant des choses tout à fait différentes. Au niveau de l'écriture, qu'est-ce que David Simon a changé par rapport au canon de la télévision américaine habituelle ? Alors David Simon, il a changé plusieurs choses, c'est-à-dire qu'au départ, lui, il est journaliste. Il a travaillé pendant des années avec la brigade criminelle de Baltimore. Donc il a cette écriture ancrée dans une observation directe de la réalité. Mais c'est aussi un très bon agrégateur de talents, c'est-à-dire qu'il sait s'entourer de grands écrivains. Et il a, écrivains et scénaristes ensemble, et il a composé une équipe de 14 scénaristes, qui est finalement assez peu pour une série qui a 5 saisons, et des scénaristes de renom, et notamment des grands noms du roman noir américain, comme Dennis Lehane, qui a écrit Shutter Island, comme Richard Price, qui a écrit sur les ghettos de New York, et comme George Pelecanos, qui est originaire de Washington, et qui lui aussi écrit beaucoup sur la pauvreté urbaine et les ghettos de Washington. Donc il a réussi à coordonner tous ses talents, j'en oublie d'autres bien sûr, pour avoir une ambition de qualité d'écriture qu'on a qualifiée de romanesque, parce que justement, comme le disait Lenoir, c'est une écriture qui prend le temps, qui ne nous surexplique pas tout à chaque épisode, qui nous donne des petites bribes qui nous permettent de constituer petit à petit le puzzle de cette intrigue complètement fascinante. Avec quand même le binôme parfait Ed Burns-David Simon, c'est-à-dire David Simon, l'ancien journaliste qui a mené moultes enquêtes sur tous les systèmes de la ville de Baltimore, et Ed Burns, l'ancien flic qui, lui, a trempé dans tout ça, connaît ça du point de vue du terrain. Et donc, les deux qui se mélangent et mélangent leurs expériences, ça fait forcément un cocktail qui marche plein bourre. Non, puis ce qu'il faut noter, c'est que David Simon s'est né dans une famille où le papa était aurait voulu être journaliste, et la maison était pleine de journalistes et on parlait politique non-stop, d'où sa volonté après de devenir journaliste et son travail. On va continuer de parler de The Wire, mais pour l'instant, on va écouter Tom Waits avec, évidemment, Way Down in the Hole. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. running hole. You gotta help me keep the devil down in the hole. C'était Tom Waits qui interprète le générique de The Wire dans Blockbuster sur France Inter. Le vendredi soir, avec les potes, on joue au dé dans la ruelle derrière le motel. Il y a tous les mecs du coin qui rappliquent pour lancer les dés. Et tous les vendredis, Morve, il était là. Il faisait monter les enchères. Et puis quand il y avait un max de blé dans le pot, il prenait tout et il se taillait. Tu veux dire chaque fois ? Il pouvait pas s'en empêcher. Je suis pas sûr de suivre. Tous les vendredis soirs, toi et tes potes, vous jouez au dé, c'est ça ? Et tous les vendredis soirs, ton pote, Grosse Morve, attendez qu'il y ait beaucoup d'oseille dans le pot, et puis il l'attrapait, il s'enfuyait avec. Et vous le laissiez faire ? On l'attrapait et on lui bottait le cul, mais jamais ça allait plus loin que ça. Encore une question. Si Grosse Morve vous piquait le blé, et s'enfuyait avec tous les vendredis, pourquoi vous le laissiez jouer ? Fallait bien. On est en Amérique, mec. Nous sommes toujours avec Ariane Hudelet, auteur de The Wire, les règles du jeu, et Emmanuel Madeline, chargé de distribution de films, et Léonard Desbrière, journaliste et membre de la chaîne YouTube Les Fanatiques, pour parler donc de The Wire. On n'a pas abordé les personnages de The Wire. Il y a notamment McNulty, le personnage de Flick, il y a Stringer Bell joué par Idris Elba. Il y a une galerie de personnages incroyables dans cette série. Oui, et c'est sans doute aussi pour ça que le message politique et social est si fort, parce que s'il nous faisait un essai politique, sociologique, on regarderait pas longtemps, mais c'est vraiment parce que c'est porté par ces personnages incroyables que ça nous touche et qu'on comprend tellement de choses. Alors, par qui commencer ? Moi, je commencerai forcément par Omar, c'est l'émission a commencé avec lui. Omar, qui est l'un des personnages les moins réalistes. On dit souvent que The Wire est une série réaliste, mais justement, Omar, il apporte ce romanesque à The Wire. C'est ce Robin des Bois du quartier Ouest qui ne commet des crimes que quand ce sont des crimes contre les trafiquants de drogue, qui est aussi un parangon de virilité. Il est inspiré de personnages de western. Il a un long manteau, il a un fusil à canon scié. Il sifflote dans les rues de Baltimore. Tout le monde s'éloigne quand il arrive en disant « Omar coming, Omar coming ». Et en même temps, ce paragon de virilité est aussi gay et extrêmement tendre avec ses amants, très fidèle aussi. Il ne jure jamais, et ça c'est à noter dans The Wire, parce que c'est une série qui travaille beaucoup la poésie profane des dialogues. avec une scène mythique dont on parlera sans doute, où toute la scène est construite autour du terme fuck tout le temps. Et Omar ne le dit jamais, ce mot-là. Donc c'est aussi quelque chose qui le distingue des autres. C'est un personnage aussi beaucoup plus intelligent que tous les autres, presque. Il observe ce qui se passe autour. C'est celui qui comprend tout, qui fait les liens entre les différents milieux, entre les trafiquants, la police, qui comprend tout ce qui se passe parce qu'il prend le temps de regarder autour de lui. Et donc c'est celui qui se place dans le long terme, et The Wire, c'est la série qui nous rappelle que le long terme est important et que le court terme a ses limites. Oui, parce que c'est une série dans laquelle les personnages sont quand même complètement soumis à un système qui les oppresse, qui les écrase, et il n'y a pas véritablement de héros à proprement parler. Omar est un observateur, mais lui-même finira rattrapé par le côté broyeur, broyeuse de cette société. Oui, l'individu est broyé par la société. Toutes les initiatives individuelles d'améliorer les choses sont balayées par le système. Le système est trop corrompu, les institutions sont défectueuses. Et en effet, c'est ça la dimension tragique de The Wire. C'est le fait que l'individu est forcément broyé au final. Quelqu'un tire les ficelles. Oui. C'est l'État, c'est les institutions. C'est pas tant l'État que, le système. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pardon. C'est le problème de The Wire, c'est que du coup... Emmanuel Madeline. Oui, je disais, c'est les institutions. Là, très clairement, c'est ce que dénonce David Simon. C'est qu'elles sont totalement désinvesties. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'école publique est payée par les impôts locaux. Et dans une ville pauvre comme celle de Baltimore, qui est quand même la 58e ville la plus pauvre des États-Unis, avec un taux de chômage de 28%, donc effectivement, l'éducation publique est complètement défectueuse et on n'a aucun moyen d'y échapper. Et pour en revenir au personnage d'Omar, qui est homosexuel, il est intéressant dans la série de voir comment est traitée l'homosexualité. Il y a Kema, la policière. Qui est elle aussi homosexuelle. Omar, comme le disait Ariane, est quelqu'un de fidèle, qui ne jure pas, alors que McNulty, lui, le policier, est un homme à femme et va... Un séducteur invétéré. S'envoie en l'air, excusez-moi, avec tout le monde. Son ex-femme lui reproche, sa nouvelle compagne aussi. Et c'est à contre-courant de toutes les idées reçues, entre guillemets, sur les homosexuels. Il y a aussi, proche d'Omar, ces deux comparses lesbiennes qui sont aussi représentées. Et c'est vraiment ça aussi qui est assez spécifique et qu'on voit rarement dans les séries grand public. D'ailleurs, David Simon a dit que le manque de succès initial ou de reconnaissance publique de The Wire provenait du fait qu'il avait choisi des inconnus et aussi un casting majoritairement noir et qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore prêts pour ce genre de show. D'ailleurs, la première saison a été une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Les chiffres n'étaient pas très bons. Et en fait, les audiences sont remontées lors de la deuxième saison parce qu'il y avait ce qui se passe sur les docks et les trafics en tout genre et avec un casting exclusivement blanc. Et là, les audiences remontent. Mmh. Léonard Desbrières ? Il faut dire que The Wire, c'est quand même le symbole même de ce qu'est HBO. HBO, donc plateforme payante qui fabrique certaines des plus belles séries qu'on a actuellement. Qui d'ailleurs ils avaient déjà fait Oz, exactement les Sopranos. Game of Thrones, c'est eux aussi. Leur slogan c'est It's not TV, it's HBO. Donc c'est une chaîne qui prend le temps de développer des projets qui n'est pas forcément entièrement lié aux audiences, qui se permet des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus exigeantes pour le public. Et The Wire n'a pas eu de prix et d'Emmy. Bon, c'est un scandale, hein, mais n'a pas eu d'Emmy, notamment pour les audiences qui étaient pas bonnes, mais que HBO a fait perdurer quand même sur 5 saisons, ce qui est immense pour une série qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à arrêter une saison au bout d'une une série en bout d'une saison si les audiences ne sont pas au rendez-vous. Alors certes, elle a pas eu d'Emmy et c'est un scandale. Mais par contre, toute la presse américaine, le Times Magazine et les grands journaux américains ont dit de cette série que c'était la plus grande série télévision américaine. Alors, je suis entouré par des experts, mais évidemment, une question se pose. Le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant The Wire. Saurez-vous y répondre ? The Wire montre des policiers qui n'ont pas les moyens de bosser efficacement, un bassin industriel qui se désagrège et un système scolaire qui périclite. Mais comment se fait-il que The Wire n'est pas devenu une série estampillée France Inter ? Étant donné le nombre d'émissions que la maison de la radio et France Inter, France Culture ont consacré à The Wire, moi j'ai l'impression que c'est une production France Culture, officieuse, France Inter. Oui, voilà. C'est a posteriori. Oui, parce que logiquement, on accompagne les Dardennes, on devrait accompagner exactement. The Wire. Attendez, sur France Culture, vous allez sur leur site, il y a un nombre de podcasts incroyables sur la série, hein. Voilà, donc, c'est pour ça, mais c'est eux qui m'ont forcé en fait. Hein. Qui ont moi, j'étais parti sur ma sorcière bien-aimée, ils m'ont dit non, The Wire, c'est obligé. Qui a des qualités aussi. Évidemment. The Wire a été écrit par un ancien journaliste. Est-ce que vous croyez qu'Edoui Plenel est en train d'écrire une pure série sur le Havre? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle pour moi? Absolument. Oui. Édouard Philippe, peut-être. Ah, ben voilà, mais moi, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Ah, ouais, il y a quelque chose. Évidemment, et souvent les gens me le disent. Ah, petit quelque chose, Édouard Philippe. Dernière question. Bon, rock'n'roll. Oui, voilà. Vu que personne n'est d'accord sur le fait de savoir si The Wire est la meilleure série au monde, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la pire ? Camping Paradis, c'est quand même un peu pourrave, non ? On est d'accord. Mais est-ce que c'est la pire ? Je sais pas ce que c'est. Donc non, je sais pas quelle est la pire. Céline, la réalisatrice, m'a dit qu'à mon avis, la pire série, c'est celle que personne n'a vue. Bah, je crois, ouais. tant qu'il y a des gens qui regardent, faut partir du principe que c'est une série qui a des qualités. Donc à partir de là, c'est comme un roman de Marc Lévy. Oui. On peut pas dire que c'est un mauvais roman puisqu'il y a des millions de lecteurs. Exactement. Donc, mais en même temps, c'est une très bonne réponse on parce peut que ne pas aimer non plus. Mais oui, mais ça me permet de rebondir sur souvent un courrier que, enfin des mails que je reçois d'auditeurs qui me disent oui, mais c'est une émission qui s'adresse à des connaisseurs. Moi, je ne connais pas cette série, donc je ne vais pas écouter votre émission. Mais c'est justement ça le principe, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'émissions de science, d'histoire qui parlent de sujets qu'on ne maîtrise pas, et pourtant ça ne gêne pas les écouter. Quand c'est une série où qui a attrait à la pop culture, les gens disent ah bah non, je veux pas. C'est bizarre. Et puis ça pose la question de The Wire quand même qui ça s'est un peu retourné contre elle, c'est un peu comme Proust en littérature, si vous faites un dîner avec des potes et que ça se met à parler de The Wire et que quelqu'un ne l'a pas vu, il faut vite trouver une solution dans sa tête pour se dire oui je l'ai vu, c'est très bien, c'est vraiment, j'ai adoré surtout ce passage, c'est comme presque une honte de ne pas avoir vu The Wire. C'est le danger de la canonisation, quoi. C'est de ça. Dire c'est la meilleure série de tous les temps, forcément ça énerve. Moi je le dis jamais parce que on arrête de le dire. J'ai surtout envie de donner envie de la voir. C'est ça l'intérêt. Ouais, on va réfléchir à tout ça pendant une chanson. On va écouter Kerenan. Cette émission est réalisée par Céline Hila, à la programmation musicale Elsa Béranger. Marie Mougin a préparé cette émission aidée par Aurore Mansip et à la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Clément Bergman. Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir les fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou, c'est fou. Je me noie dans l'eau de la C'était Kerenan avec Le Fleuve Doux. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Si ça peut vous rassurer, tout le monde à l'école pense que vous êtes là parce que vous avez été plus fort que le système. Ça ne vous intéressait pas d'être en cours et vous avez rendu le cours impossible pour tous les autres. Vous n'êtes plus dans le jeu, vous avez gagné. Ouais. Vous avez l'impression d'être des vainqueurs? Ouais, toujours. Nous, on est comme ça. C'est qui, nous? Ben, nous. Non, je veux dire, qui êtes-vous? Des voyous, comme vous dites. Des petits caïds? Ah non, on n'est pas encore là. Pour l'instant, on est des petits dealers, on fait la rue. Dans combien de temps vous serez des petits caïds? Je sais pas, dans peut-être 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Je vais poser une question, vous allez m'écrire la réponse. Selon vous, qu'est-ce que vous serez devenu dans 10 ans? Allez, stylo et papier, c'est pas un devoir, c'est pour parler de vous. D'un côté, il y a nous, l'école, et de l'autre, il y a eux. La façon dont ils se comportent ici, c'est un entraînement pour la rue. Le bâtiment, c'est le système, mais on est les flics. Les petits gars de la rue, je peux vous poser une question? Parce que si vous nous aidez un peu, on fera peut-être du meilleur boulot avec vous. Comment on devient un bon petit dealer? Faut avoir un œil sur tout, lire ses comptes. Ouais, le respect, c'est important. C'est l'histoire de l'autorité, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas être con, sinon tu te fais. Sinon on traite pas. The Wire est une série exigeante qui ne correspond pas aux méthodes de narration traditionnelles de la télévision. Et des fois, ces choix, ce sont des choix qui ne plaisent pas. Voici quelques commentaires sur The Wire que l'on a pu glaner sur le site Sens Critique. J'ai essayé cette série étant donné qu'il s'agissait d'un show HBO, l'excellente chaîne câblée qui balance en général des programmes hors du commun, et bien là j'avoue que ma déception fut à la hauteur de l'ennui que j'ai ressenti devant les 6 premiers épisodes de la saison 1. Que dire de cette série? C'est vide, c'est morne, les personnages sont ternes et sans relief, surtout l'inspecteur McNulty avec son côté cynique et désabusé qui n'est qu'un paravent pour son incroyable transparence. Une énième série suivant l'histoire de différentes unités de la police qui essaient de coincer des malfrats dans des ghettos noirs, je n'arrive pas à avoir la moindre différence avec un New York Police Blues, aucun des personnages est développé, pas d'enquête policière au sens où on l'entend communément, on a vraiment l'impression que les flics font leur boulot comme n'importe quel autre, sans s'impliquer davantage qu'un facteur ou un employé de banque, se limitant à prendre des photos, faire parler des suspects, trouver des indices, faire des planques dans des bagnoles, etc. Rien ne me donne envie d'aller voir la suite. Absolument nul à chier, quelle escroquerie! Et les critiques élogieuses, c'est à tomber par terre, personnage insipide, rythme insupportablement lent, conversation chiante, il ne se passe en réalité rien du tout, on aurait pu appeler la série vide, ça aurait eu plus de sens. J'aime pas. Alors, c'était un petit panel, hein. Évidemment ça n'est pas la majorité du ressenti vis-à-vis de The Wire, mais c'est vrai que ces réactions sont apparues autour de la série. Qu'en dire, Léonard Desbrouilly? Bah parce que, comme je l'ai dit, c'est une série qui peut être un peu surprenante en termes de rythme, c'est sûr. Mais c'est une série qui est tellement plein de choses à la fois. On l'a dit, ça commence comme... Parce que pour donner envie aux gens de le regarder, il faut quand même rappeler que c'est une série policière où on a bien sûr un affrontement entre les forces de police et plusieurs gangs de dealers malfrats qui essayent de faire progresser leur business comme n'importe qui. Et derrière ça, en toile de fond, il y a bien sûr une grosse peinture, une fresque de l'Amérique à travers la ville de Baltimore. Et d'ailleurs, notre ami Donald nous a offert du pain béni ces derniers jours en parlant de cette ville de Baltimore et en insultant tout simplement les gens qui habitent là-bas, et ça a fait réagir beaucoup de monde, y compris David Simon, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Donc c'est à la fois une série où il y a une intrigue, où il y a beaucoup de personnages, où il y a un scénario, où il y a de la tension, c'est haletant, et derrière tout ça, une fresque de l'Amérique. Donc effectivement, on peut lire avec plusieurs niveaux de lecture et c'est assez engageant. Ariane Hudley, est-ce que justement c'est pas le fait de montrer des personnages qui ne peuvent pas être des héros au sens traditionnel du terme qui a perdu certains spectateurs? Parce que les policiers par exemple sont obligés de faire des démarches administratives pas croyables, ils n'ont pas de budget pour mettre quelqu'un sur écoute, parce que c'est ça le sens de Wire, enfin on les met sur écoute, il faut vous demander des permissions, etc. Est-ce que c'est pas ce côté non spectaculaire qui a perdu les gens? Bien sûr, ça va contre beaucoup de codes qu'on associe aux séries policières. Il y a, je crois, un des scénaristes qui disait que dans The Wire, un cliffhanger, donc normalement chaque épisode se termine par un moment où on est laissé en suspens, on a absolument besoin de regarder la suite. Il disait dans The Wire, un cliffhanger, c'est un moment où les flics tapent frénétiquement à la machine en essayant de faire le travail administratif à temps pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Donc oui, il y a un refus du spectaculaire. Et il faut trouver l'intérêt de la série ailleurs, et il faut pas s'attendre à des héros. Il faut pas s'attendre non plus à tout comprendre tout de suite. Et ça, on a du mal aussi aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude d'avoir une gratification immédiate. The Wire, c'est pas ça. Il faut attendre, il faut être patient, et il faut croire qu'au bout du compte, ça vaut le coup. Donc, faites-nous confiance, ça vaut le coup, il faut être un petit peu patient, et accepter de voir ces personnages s'étoffer petit à petit, ces milieux entrer en lien. C'est vraiment une sorte de grand réseau qui apparaît devant nous, et on peut pas l'avoir dès le premier épisode, il faut attendre un petit peu. Emmanuel, Madeleine, vous parliez de grillage pour Wire, justement. Ben, en fait, oui, ça a été traduit en français par surécoute, mais The Wire, en américain, en anglais, il y a The Wire Tapes, les écoutes, et The Wire Finds, les grillages. Et les grillages, ici, ce serait ce qui délimite les classes sociales, limite les différents aspects de la ville et classes sociales. D'accord. Et moi, il y a quelque chose que je trouve toujours fascinant avec cette série, et c'est devenu une mode parfois un peu artificielle, mais qui a aussi un intérêt artistique, et The Wire l'a démontré. C'est toutes les conditions dans lesquelles la série s'est fabriquée, c'est-à-dire tourner sur les lieux mêmes, avec des acteurs qui sont issus de ces ghettos, qui y retourneront après la série. C'est les acteurs qui vivent pendant toute la durée du tournage, qui louent une maison sur place et qui essayent de se mêler aux habitants, etc. Au-delà d'un produit cinématographique, c'est une vraie aventure humaine et quelque chose qui a rapproché des gens et qui a créé une sorte de famille, The Wire. Je trouve ça assez intéressant dans la manière dont la série s'est construite au fur et à mesure. Et une série qui a vu éclore des acteurs qui désormais sont connus du grand public. Il y a Idris Elba qui jouait Stringer Bell, Michael B. Jordan qui est dans la première, qui plus tard va jouer Creed et aussi dans Black Panther. Il y a Dominique West, il y a énormément d'acteurs qui n'étaient pas connus avant The Wire qui ont explosé avec cette série. C'est fou, oui, c'est un révélateur de talent incroyable. Il y en a beaucoup qui sont allés dans la série The Walking Dead, dans d'autres séries à droite à gauche. Puis c'était des enfants à l'époque, vraiment, qui jouent des rôles de petits caïds qui essayent de s'élever, je pense notamment à Michael B. Jordan. Et ils sont téléportés dans cet univers, c'est ultra naturaliste. Et je trouve que ça donne un petit côté nostalgique, mais aussi poétique à cette série. Il y a aussi cette idée de fin d'un monde avec la fin de l'ère de l'industrialisation. On le voit avec les docks, avec ces ouvriers qui essaient tant bien que mal de boucler les fins de mois et qui voient une société qui est malmenée par le chômage qui arrive très très fort et au bout d'un moment qui sont obligés de sombrer dans l'illégalité mais sans véritablement le vouloir. Emmanuel Madeleine. Oui, c'est toute la problématique de la désindustrialisation des années 60, où les centres-villes des villes américaines ont été désertés et donc sont devenus des lieux de trafic de drogue. Je pense à Boston, qui est beaucoup plus au nord, où il s'est passé la même chose. Il faut savoir aussi que au départ, la mairie de Baltimore était ravie de que la série se tourne là, mais très vite, ils se sont dit oula, mais qu'est-ce qu'on vous décrivez quoi? C'est pas que ça. Et c'est vrai qu'à Baltimore, il y a quand même une université prestigieuse, que maintenant le port est devenu un quartier huppé. Mais il faut souligner aussi que David Simon vit. Pas dans Baltimore West, mais vit à Baltimore et donc connaît parfaitement la ville. Nous pouvons comprendre le commandant Colvin, qui, frustré et désespéré, s'est résolu à tolérer des faits que lui-même condamnait. Mais messieurs, ce qui est impardonnable, c'est que nous tous, vous, moi, l'administration, nous tous, nous nous soyons détournés des rues de Baltimore-Ouest, des pauvres, des malades, de toute cette population meurtrie, emmurée dans les décombres de quartiers qu'autrefois nous chérissions, de toutes ces communautés que nous n'avons pas su défendre et que nous avons abandonné aux horreurs du trafic de drogue. Si ce désastre exige quelque chose de nous ou de cette ville, c'est qu'ensemble nous disions assez, assez de ce désespoir qui fait que nos meilleurs policiers renoncent, assez que certains quartiers restent sans secours et que d'autres ne soient même plus secourables, assez de cette administration, de ses indécisions et de sa léthargie, assez de tous ces crimes sordides qui accompagnent de plus en plus la vie de notre cité. Sachez bien que si nous ne prenons pas très vite nos responsabilités, et pas seulement en cas de crise ou d'égarement, mais à long terme pour gagner cette bataille qui fait rage dans nos rues, si nous n'agissons pas, alors nous perdrons ces quartiers et finalement toute cette ville. Si nous ne changeons pas, alors nous connaîtrons la défaite. Et cette défaite ne pourra pas être, ne devra pas être et ne sera pas pardonnée. Je parlais de territoire abandonné en préambule dans mon édito, et effectivement des territoires abandonnés, on en a aussi en France. Dans le discours qu'on vient d'entendre, on est vraiment face à ça. Et à ce discours qu'on vient d'écouter, est-ce qu'il y a eu une réponse apportée aux États-Unis ? Je ne crois pas. Pas du tout. Et malheureusement, The Wire aujourd'hui, qui était quand même une série entre 2002 et 2008, paraît presque prophétique. Déjà, c'était pas rose, mais ça ne s'est pas du tout amélioré. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que, ben, comme l'édito le mentionnait, en France, on va de plus en plus aussi dans ces sens-là. Donc, je pense que c'est extrêmement éducatif de regarder The Wire aujourd'hui en France, parce qu'on a notamment cette critique dans The Wire de l'utilisation des mots à mauvais escient, c'est-à-dire que ça décrit la guerre contre la drogue, par exemple, qui est cette expression qui est censée représenter la politique d'amélioration de la situation. Et en fait, comme le dit David Simon, c'était pas du tout une guerre contre la drogue, c'était une guerre contre les drogués. Et pareil, la guerre contre la pauvreté, c'était une guerre contre les pauvres. Et aujourd'hui, dans la politique française, on entend assez souvent cette expression « la guerre contre » ou alors « l'école de la confiance », par exemple, on va construire l'école de la confiance, et on voit que c'est le projet qui, justement, met à dos tous les enseignants qui sont unanimes pour dire que ça va pas du tout. Donc on a aussi une réflexion sur les mots, sur les signes, sur la manière dont on présente un discours des réformes qui sont soi-disant positives, mais qui en fait vont aboutir au contraire. Et le discours qu'on a entendu là, il est convaincant, mais il émane d'un homme politique, Kirk Kelly, qui va finir par faire exactement le contraire, parce qu'il va, bien sûr, penser à son intérêt propre, à se faire réélire, et non à l'intérêt collectif. Et je mentionne juste qu'il est joué par l'acteur qui joue un rôle dans Game of Thrones, qui est Littlefinger, qui est un manipulateur politicien. Donc là aussi, les séries se répondent pour faire une sorte de commentaire politique. Emmanuel Madu ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qui se passe dans The Wire fait écho à ce qui se passe en France actuellement. Et il faut savoir que le maire de Sevran a affirmé que sa ville était The Wire et qu'il était pour la dépénalisation du cannabis et pour résoudre les problèmes. C'est assez intéressant quand même. Oui. Mais ce qui est fou, c'est le pouvoir de diffusion de cette série, en fait, qui, bien qu'on l'a déjà dit, elle a pas eu des audiences retentissantes, mais elle a quand même une résonance retentissante dans le monde. C'est la série préférée d'Obama. Il en parle tout le temps. Il a fait une émission avec David Simon en tête à tête. Où il posait des questions à David Simon, ouais, justement. Les rappeurs français sont énormément influencés par The Wire. Il y a des dizaines de chansons qui font référence. Le milieu du stand-up aussi. Milieu du stand-up aussi. C'est une série qui rayonne et qui ne parle pas que de Baltimore. Elle parle de bien d'autres choses et qui elle s'applique notamment à nous aussi. Et en fait, il y a cette phrase de Omar et d'autres personnages dans The Wire qui dit que tout est un jeu. Et il y a notamment la prédominance du jeu d'échecs dans The Wire où on place ses pions, etc. Et vous en parliez tout à l'heure, Emmanuel Madu. Ben oui, il y a une scène où on voit les trafiquants jouer aux échecs. Et en fait, c'est une sorte de métaphore. Le neveu du caïd, Angelo Barville, Barsdale explique les règles des échecs. Il explique aux policiers que ce n'est pas comme aux dames. Non, le roi reste le roi. Il y a quelque chose d'inamovible dans l'échelle sociale et on ne peut pas espérer remonter le courant. Voilà. Et quand on parle de territoire abandonné, ça ne veut pas forcément dire que on ne parle que de ghetto avec de la drogue et tout ça. Par exemple, en France, ça peut être des villages, des zones rurales. C'est des endroits où en fait les espaces publics ont disparu. C'est-à-dire que plus d'écoles dignes de ce nom, plus d'hôpitaux, plus de médecins. Dans ce vide se crée une nouvelle économie, mais une économie qui en fait correspond exactement au code du libéralisme. Où on a trouvé un business qui se vend et un personnage comme celui de Stringer Bell, celui incarné par Idris Elba, serait né dans un autre monde, il serait devenu éminemment riche, plein de succès. C'est ça aussi que raconte The Wire. Bien sûr, moi je pense que tous les gilets jaunes devraient regarder The Wire. Ça parle exactement oh là là. Des questions d'actualité. Ariane Hudley, vous avez cité gilets jaunes, vous savez qu'il y a 5000 personnes qui sont en train de dire « Oh, ça y est, j'écouterai plus cette série !» C'est fini. Excusez-moi, j'ai pas pu résister. Mais je suis d'accord avec vous. Mais il fallait pas le dire. Déjà, le personnage de Stringer Bell est quand même à contre-courant de l'idée qu'on peut se faire d'un malfaiteur, d'un dealer de drogue. Il est toujours très bien habillé. C'est un mec qui suit les cours du soir, en gros, qui est à l'aise en droit, en économie, en stratégie même. C'est lui qui, souvent dans la série, fait des réunions entre dealers pour leur dire « Bon, arrêtons de nous entretuer, essayons de monter quelque chose de logique, un vrai business. » Et c'est en ça que le personnage est quand même fascinant et a, lui, plus que d'autres, je trouve, des résonances, notamment dans le rap français. Oui, tout à fait. Et alors, si aujourd'hui, on devait parler d'une série dans la droite lignée de The Wire, quelle serait-elle ? Le problème, c'est que David Simon, c'est David Simon, quoi. C'est dans la lignée de The Wire, il y a toutes les autres séries de David Simon. Qui sont trémées sur des musiciens de jazz à la Nouvelle-Orléans après Katrina. Il y a des choses beaucoup plus fortes, je trouve, mais qui sont Generation Kill. On en parlait tout à l'heure avec Ariane. Il y a Show Me a Hero. Donc David Simon, il est vraiment dans un, pour moi, à part, parce que tu regardes pas une série de David Simon si t'as envie de t'évader, si t'as envie d'aller voir autre chose, si t'as envie de fiction, de quelque chose de très loin de ton quotidien. Il faut se dire que si je regarde une série de David Simon, je me heurte à mon quotidien et j'ai envie de ça. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je crois aussi que c'est pour ça que The Wire a été étudié dans les plus grandes universités américaines, notamment à Harvard, et dans les départements de sociologie, d'études afro-américaines, et on a eu notre colloque en 2012 à Nanterre. Ariane Hudley, vous vouliez intervenir ? Oui. Alors, moi, sur le fait que ça nous ramène à notre quotidien, je ne suis pas sûre, parce que Trémé, justement, ça nous amène à la Nouvelle-Orléans, avec la culture de la Nouvelle-Orléans. C'est une autre série de David Simon. Et c'est qui est une autre série, voilà, qu'il a faite après, sur la Nouvelle-Orléans après Katrina. Et là, justement, on pénètre dans une réalité totalement différente, mais qu'il fait nôtre, justement, parce qu'il ne nous surexplique pas tout, et c'est nous qui faisons le travail comme si on était un peu sur place. Mais c'est vrai que ce sont pas des séries, qu'on regarde pour s'endormir. Oui. Voilà, c'est des séries qui nous réveillent. Dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais avant cela, on va écouter Balthazar qui nous interprète I'm never gonna let you down again. Friday late night narratives, a soft touch of your hand. I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. Catch me with another one that's been around. Whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I reveled on so anyway. Or can we call it quits? And is this what I need to take away? It's checkmate in my mind. So if you see me with another one who's in my arms, just remember not to bother. Catch me with another one that's been around. Whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. C'était Balthazar et maintenant on joue. Attention, qui vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Mary au téléphone. Bonjour Mary. Bonjour Frédéric. Bonjour aux invités. Vous allez bien? Très très bien. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a plu dans The Wire et donnez envie aux auditeurs de découvrir cette série? Alors moi, je trouve qu'il y a un nombre énorme de personnages qui sont vraiment tous très très fouillés. Et je trouvais que c'était super intéressant. Les intrigues s'entremêlent d'une saison sur l'autre. C'est super bien écrit. Alors, c'est vrai que le rythme est un petit peu lent, mais ça permet peut-être de comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Bon, vous connaissez le principe du jeu? Je connais le principe du jeu. Alors, évidemment, vous savez ce que c'est les impératifs de la radio. Je dois l'expliquer aux nouveaux auditeurs, s'il y en a. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites une erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donnera le droit d'être aidé par l'invité de votre choix. D'accord. C'est parti. Quel est le nom du policier qui a aidé David Simon à écrire The Wire? Réponse A. Je sais que vous le savez, mais on va attendre un petit peu. Réponse A, George Pelecanos. Réponse B, Ed Burns. Ou réponse C, James McNulty. Ed Burns. Évidemment, c'est Ed Burns, un ancien officier de la police de Baltimore qui a travaillé au département des narcotiques et des homicides. Question suivante. Quel homme politique américain a interviewé David Simon? Barack Obama. Eh oui, Barack Obama, c'était en mars 2015. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, mais il est quand même très très simple ce jeu. C'est vrai, mais parce qu'on aime bien quand les gens ils gagnent des cadeaux. Et enfin, une question son. On va vous faire écouter un son. Yo! Yo! Alors, quel personnage célèbre de la série arrive en sifflant? Le cow-boy Omar Little. Eh oui, c'est une bonne réponse. Eh bien, Mary, vous avez gagné le livre d'Ariane Hudley, The Wire, les règles du jeu, paru aux éditions PUF en 2016. Eh ben, merci beaucoup. Ça me fera une super lecture pour cet été. Merci. Merci à vous, Mary. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, effectivement, si jamais on a envie de voir une série qui soit dans la droite lignée de The Wire, eh ben, il faut revoir The Wire ou une autre série de David Simon. Et sinon, que dire de plus? Il y a quelque chose à dire. Cette série est accessible sur OCS, l'intégralité. Alors, je sais que souvent les auditeurs me disent oui, mais OCS c'est payant, etc. Mais en même temps, quand on fait la promo d'un livre, il faut l'acheter aussi. Donc, c'est l'occasion de découvrir cette série sur... Comme tout le contenu d'HBO, d'ailleurs. Exactement. Puisque... Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Ariane Hudley, Léonard Desbières et Emmanuel Madeline. Merci d'avoir été avec nous pour parler de The Wire. Comme toujours, chers auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet de l'émission, c'est-à-dire The Wire, ou sur le Facebook de l'émission également. Et enfin, il y a Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. All in the game, yo. All in the game. Et on se retrouve lundi pour parler de packs de protons, de croisés des flux et de Bill Murray. On parlera de Ghostbusters. Et après le journal, on retrouve la formidable Nadia Dame pour le débat de midi. Bonjour Nadia. Bonjour Frédéric. De quoi on va parler aujourd'hui? J'ai une colle pour vous. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Winston Churchill, Pascal Obispo et Olivier Giroud? Alors j'aurais bien dit, ils ne font pas de sport, ouais. Mais je crois que c'est lié au sport, non c'est non. ça Alors, je ne sais pas. Une idée ? Non, je ne sais pas. Eh ben, ils sont tous tatoués. Et ils sont tous tatoués comme un Français sur 5, en tout cas, ce que dit un sondage. Et c'est donc le sujet du débat de midi. On va se demander pourquoi et comment le tatouage s'est généralisé, puis s'il faut s'en réjouir aussi. Bah oui, mais moi j'ai peur des aiguilles, mais je vais vous écouter quand même. Vous n'avez pas de tatouage ? Non, non, non. J'ai une petite peau de bébé. Je vous montrerai les miens si vous êtes gentil. Merci Nadia.